Dans des magazines, je vis people sans savoir qui je suis. Je rêve sans cesse d'être dans la vitrine d'un Paris qui m'éblouit. Prier les virer en pleine nuit, en oublier les sens interdits et le corps dénudé qui s'endort. Branché, très stylisé et coupé, climatisé, je consumais ma vie à consommer ce que je suis, de sourire lorsqu'on n'a plus envie et masquer ses blessures enfouies. Et la mort, oh la mort, ah, j'y pense encore. Ah, sur le pavé, les réverbères sont encore allumés. Diva, dis-moi ma vie, où est passé mon passé? À bien y réfléchir, je voudrais un jour en sortir et laisser tomber l'or qui m'a ruiné. Pour un peu de rien, pour un peu de rien. Yeah.